Tranquille ou quoi? Tranquille, man, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je démarre. Deux fois. Je démarre mon propre label et. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un MC super sympa qui. Stop. Qui bosse ici. Tu le connais? Oh! DJ Booch! 93 Saint-Denis. Je veux un vrai MC, c'est ça ton ouais, truc. Bonhomme. Et c'est aussi ça mon truc. C'est ça que je veux faire. C'est pour on est d'accord, rappeurs. Pas de costard flashy. 3 millions! Pas de prix, un poster! Pas de fourrure tachée, rien d'acheté, d'authentique. Booch! Genre pas d'Aguito de France, ma gueule. Bonhomme. Genre tout droit du ventre de ma mère. Genre, pas pour vendre de la. Genre pas d'Aguito de France, ouais. Ma gueule. Genre tout droit du ventre de ma mère. Pas pour vendre de la. Genre pas d'Aguito de France, ma gueule. Genre tout droit du ventre de ma mère. Pas pour vendre de la mer. Tout ce que. Genre pas d'Aguito de France, ma gueule. Genre tout droit du ventre de ma mère. Pas pour vendre de la merde sur Scud. Je vais t'expliquer le truc, Blackos. Crois pas que je fais du rap pour me serrer de la foule ou pour être plein de thunes. J'ai arrêté de me branler sur les clips américains. Les bling bling, les timbres, cousin, je suis un caf. Parmi des milliers de noirs, je galère comme un nègre en France qui essaie de zapper les sirènes de la délinquance. T'as vu? Je rappe pour le kiff, 1, 2 pour concrétiser un truc, 3 pour le bif. Négro, je bluffe pas, ça traîne, je vous emmerde moi. Si y'a moyen, pose avec Francis Cabrel. Gros, dans le move y'a trop de scarlats qui jouent des rôles. Change de face, pour moins de 1000 euros en jeu, je te jure. Moins y'a de bonne structure, plus y'a de grande gueule. Ma passion a des points de suture. 15 000 ventes, pour moi c'est de la boucherie. Vas-y fais le compte, 0 MC roule sur l'or. Ça me dit pas de chanter les drames du quartier. Jusqu'à 40 piges, rien ne m'y oblige. T'as pas compris? Je m'attends pas à vendre 3 millions de disques. Moi j'ai pas survécu de 9 balles dans le bus. C'est pas Eminem qui produit mon CD, négro, je me fais plaisir. J'suis pas ta grand-mère, je représente personne, moi. À part mes potes, une 9-3 foulec, vénère. Je deviendrai jamais ce que ma daronne voulait. Me classe pas, j'suis ni dans l'underground, ni dans le commercial. Juste derrière une trentaine, pas si loin. Où je vais dans les bacs, où j'arrête rapidement. J'crois il a pas eu tort, poubal, rap il est mort. Les meufs font croire que le meilleur rappeur, c'est ceux qui ont la plus grosse rotation sur les ondes. J'me tape des barres, j'ai les pieds sur terre. J'vais au taf, j'attends pas un chèque de Laurent B pour manger un grec. Tout s'explique, enfoiré, plus d'un rappeur. Soit-disant accord à tourner sa veste pour plus d'oseille. Moi perso, j'ai une veste réversible, mais la couleur est la même. Recto verso, j'gratte des bancos dans le rap. Un jour j'en aurai marre de ce jeu que je perds avec mon temps et ma sueur. La terrible, les magouilles, j'ai pas le champ ma couille, c'est dur. L'underground paye pas les factures. J'attends pas que le rap paye, j'aurais déjà été en chien, j'aurais déjà frangin. J'm'attends pas à vendre 3 millions de disques. Moi j'ai pas survécu de 9 balles dans le bus. C'est pas Eminem qui produit mon CD, négro, je me fais plaisir. J'suis pas ta grand-mère, je représente personne, moi. À part mes potes, une 9-3 foulec, vénère. Je deviendrai jamais ce que ma daronne voulait. Me classe pas, j'suis ni dans l'underground, ni dans le commercial. Juste derrière une j'verrai pas ton plus rough dans le bordel du rap. Y'a 2-3 os et trop de chiens, cousin la fille de ma mère. Faut que tu me crois quand je te dis qu'en 8 ans de rap, j'ai même pas pris un euro. J'ai la poisse d'avoir le son dans le sang. J'suis parti du bled, promettant à maman de devenir architecte. J'ai viré électricien, rappeur, ma gueule. À 22 piges, j'ai que des lyrics, c'est un BEP pour mettre l'Europe à genoux. Pour ça qu'au fond, j'm'en bats les couilles si t'aimes pas ma zik. J'vois plus loin que ça, tout ça pour dire que j'ai de compte à rendre à personne derrière un mic. La flemme d'attendre 20 piges que mon heure sonne. 3 millions de ventes, c'est le disque de platine. Un truc inaccessible pour moi et toi. T'sais quoi, j'ai besoin d'évoluer mec. Faut qu'on me paye moi ta street credibility, j'me torche avec. J'ai pas envie que mon fils croit que j'suis bon comme faire courser par les kids des épouser sur des mixtapes. A chacun sa merde, à chacun ses aspirations et sa vision. Du rap game, t'sais quoi, j'suis pas venu péter les chars. T'as vu, les gars ils se prennent plus la tête maintenant. Ils téléchargent, j'suis OP pour prendre un minimum de sous. Mais si j'suis né en major, j'cracherai jamais dans la soupe. J'te laisse mon